Chapitre 2. À 10 heures, le lendemain matin, Nora et Magdalen, seules dans le vestibule de Combraven, venaient d'assister au départ de la voiture qui emportait leur père et leur mère vers le train de Londres. Jusqu'au dernier moment, les deux sœurs avaient espéré quelques mots d'explication sur cette mystérieuse affaire de famille, à laquelle Mrs. Vanstone avait fait la veille une allusion si rapide. Aucune explication de ce genre ne leur avait été offerte. L'agitation même de la séparation, expérience si neuve pour les jeunes filles comme pour leurs parents, n'avait pas ébranlé la discrétion obstinée de Mr. et de Mrs. Vanstone. Ils étaient partis avec les plus chauds témoignages d'affection, avec des caresses d'adieu fermement réitérées à plusieurs reprises, mais sans l'échapper un mot qui pût, de près ou de loin, révéler la nature de leurs préoccupations. Lorsqu'à un tournant de la route, les roues du carrosse eurent cessé de broyer le sable à grand bruit, les deux sœurs se regardèrent, chacune comprenant et chacune laissant voir à sa manière le désappointement qu'elles éprouvaient en se trouvant, pour la première fois de leur vie, ouvertement exclues de la confiance de leurs parents. La réserve habituelle de Nora, assise sur une des chaises du vestibule, se mua en un silence farouche, tandis qu'elle gardait les sourcils froncés sur la porte ouverte. Magdalen, peu habituée à rien cacher des impressions qui l'offusquaient, exprimait son mécontentement dans les termes les moins équivoques. « Peu m'importe qui le saura, » disait-elle, « je trouve qu'on abuse étrangement de nous deux. » Et la jeune demoiselle, à ces mots, s'assit à côté de sa sœur, regardant comme elle dans la campagne. Presque au même moment, Miss Garth, qui sortait du petit salon, déboucha dans le vestibule. Sa prompte sagacité lui suggéra qu'il était temps d'intervenir, et son bon sens, toujours prêt, lui en fournit aussitôt les moyens. « Relevez la tête, toutes deux, je vous prie, et veuillez m'écouter, » dit Miss Garth. « Si nous voulons, à nous trois, ne pas trop nous déplaire dans la solitude où on nous laisse, il faut nous rattacher à nos habitudes et reprendre le train accoutumé de nos occupations. Voilà, sans plus de discours, la situation. Il faut prendre le temps comme il vient, dit-on en France. Me voici toute prête à vous donner l'exemple. Je viens justement de commander un excellent dîner pour l'heure habituelle. Je m'en vais chercher à présent dans ma pharmacie un remède pour la fille de cuisine. En attendant, chère Nora, vous trouverez votre ouvrage et vos livres comme toujours dans la bibliothèque. Et vous, Magdalen, si vous vouliez bien cesser de faire des nœuds avec votre mouchoir, vous employeriez plus utilement vos 10 doigts sur les touches du piano. Nous prendrons notre repas à 1 heure, et ensuite nous irons promener les chiens. Allons, enfant, à la besogne, et aussi gaiement que moi, debout, sans tarder. » Si je vous vois plus longtemps ces tristes figures, aussi vrai que je m'appelle Garth, j'envoie ma démission à votre mère, et par le train de 12h40, vous me verrez partir pour entrer auprès des miens. » Terminant sa péroraison sur cette menace décisive, Miss Garth conduisit Nora jusqu'au seuil de la bibliothèque, poussa Magdalen dans le petit salon et continua sa route vers les sombres régions où se cachait la pharmacie. C'est ainsi, mi-grave, mi-badine, qu'elle conservait une espèce d'autorité amicale sur les filles de Mr. Vanstone, alors que depuis quelque temps déjà, ses fonctions de gouvernante eussent dû prendre fin. Nora, nous n'avons pas besoin de le dire, n'était plus son élève depuis des années, et Magdalen, elle aussi, avait achevé ses études. Mais Miss Garth vivait depuis trop longtemps chez Mr. Vanstone et dans une trop grande intimité pour qu'on se séparât d'elle par des raisons de pure forme. Et la première fois qu'elle avait cru convenable d'annoncer son départ, on avait écarté cette idée avec des protestations d'amitié si chaleureuses et si sincères qu'elle ne revint jamais sur ce sujet, autrement que sur le ton de la plaisanterie. Elle eut en charge, à partir de ce moment, toute l'intendance de la maison. À cette mission, elle demeurait libre de joindre tous les services que réclamait Nora pour la direction de ses lectures, Magdalen pour la surveillance de ses études musicales. Telles étaient les conditions auxquelles Miss Garth continuait de résider chez les Vanstone. Dans l'après-midi, le temps s'arrangea. Vers 1 heure un peu passée, le soleil brillait et les dames sortirent, emmenant les chiens à leur promenade. Elles traversèrent le cours d'eau et gravirent par la petite gorge dont nous avons parlé les hauteurs situées au-delà. Puis elles tournèrent à gauche et revinrent par un chemin de traverse qui passait dans le village de Combraven. Arrivées en vue des premiers cottages, elles passèrent à côté d'un homme arrêté sur la route et qui regarda fort attentivement d'abord Magdalen, puis Nora. Elles notèrent seulement qu'il était de petite taille, vêtu de noir, et qu'elles ne l'avaient jamais vu. Puis elles continuèrent leur chemin sans accorder une pensée de plus à ce piéton étranger qu'elles avaient rencontré, flânant, tandis qu'elles s'en revenaient. À la sortie du village, et comme elles venaient de s'engager dans un sentier qui menait directement chez elles, Magdalene étonna Miss Garth en lui apprenant que l'étranger en noir avait fait demi-tour après les avoir croisés et les suivait maintenant d'assez près. « Il est sur le même côté de la route que Nora, » continua-t-elle avec malice. « Ce n'est donc pas moi qui l'attire, et par conséquent ce n'est pas moi qu'il faut blâmer. » Que cet homme les suivit ou non, peu importait, car elles étaient maintenant fort près de la maison. Pourtant, au moment où elles allaient franchir la grille, Miss Garth, ayant tourné la tête, vit que l'étranger hâtait pas, avec l'intention bien marquée de les interpeller. Elle enjoignit donc aux deux jeunes filles de rentrer aussitôt avec les chiens, tandis qu'elles s'arrêtaient à la grille pour attendre la suite des événements. Ces dispositions venaient à peine d'être prises que l'étranger arriva à la hauteur du pavillon du gardien. Il ôta poliment son chapeau et salua Miss Garth qui venait de se retourner. Il avait l'air d'un clergyman dans le besoin. Son portrait, pris de haut en bas, le voici. D'abord un chapeau de forme, autour duquel s'enroulait un large crêpe fort chiffonné. Sous ce chapeau, une longue figure maigre et flétrie, où la petite vérole avait tracé ses sillons, et que caractérisait une paire d'yeux remarquables par la dissemblance de leurs couleurs. L'un d'un vert bilieux, l'autre d'un brun également bilieux, tous deux animés par un regard singulièrement intelligent. Sa chevelure griffaire était soigneusement brossée sur les tempes. Sur ses joues et son menton, la teinte bleuâtre d'une barbe rasée de fort près. Il avait le nez court des Romains, et ses lèvres allongées, minces et souples, étaient relevées à leur coin par un sourire doucement ironique. Sa cravate blanche était haute, roide et légèrement jaunie. Le col de chemise, plus haut encore, plus roide et plus jauni encore, projetait fort en avant du menton ses deux pointes menaçantes. À partir de là, la frêle et souple structure du petit homme était uniformément enveloppée dans une étoffe noire, décente encore, mais un peu râpée. Son paletot, serré autour de la taille, demeurait largement ouvert sur la poitrine. Ses mains étaient couvertes de gants en tricot noir, reprisés soigneusement au bout des doigts. Son parapluie, bien que l'embout en fût usé d'un bon quart de pouce, était soigneusement protégé par un étui de toile cirée. C'est de face qu'il semblait le plus atteint par les ravages du temps. En le regardant ainsi, on lui eût facilement donné 50 ans et même plus. Marchait-on derrière lui, son dos et ses épaules n'accusaient guère que 35 ou 36 ans. Ses manières étaient empreintes d'une sérénité grave. Quand il ouvrait la bouche, il parlait avec une belle voix de basse, avec une élocution un peu trop fluide, qui dénotait une préférence marquée pour les mots comptant plus d'une syllabe. Ses lèvres, doucement souriantes, distillaient la persuasion, et si minable que fût son apparence, les fleurs immortelles de la courtoisie germaient, de la tête aux pieds, sur toute sa personne. « Voici, j'imagine, la résidence de Mr. Vanstone, » dit-il, en indiquant la maison d'un ample geste de la main. « Aurais-je, par hasard, l'honneur de m'adresser à un membre de son honorable famille ?»« Oui, » répondit aussitôt Miss Garth, avec son franc-parler habituel. « Vous vous adressez à la gouvernante des enfants. » L'homme persuasif recula d'un pas, admira la gouvernante employée par Mr. Vanstone, refit en avant le pas qu'il avait fait en arrière et poursuivit la conversation. « Alors, » reprit-il, « les deux jeunes personnes qui se promenaient tout à l'heure avec vous doivent être les filles de Mr. Vanstone. J'ai bien reconnu la plus brune et aussi sans doute l'aînée des deux, par sa ressemblance avec sa charmante mère, quant à la cadette. « Je suppose que vous connaissez Mrs. Vanstone ?» interrompit Miss Garth, sans égard pour ce bavardage qui, selon elle, commençait à couler trop librement. L'étranger accueillit l'interruption par un de ses saluts les plus courtois, puis, comme si de rien n'était, submergea de nouveau Miss Garth sous les flots de son éloquence. « Quant à la cadette, reprit-il, je dois supposer qu'elle ressemble à son père. Sa physionomie m'a frappé, je vous le jure. L'examinant avec l'intérêt amical que je porte à sa famille, je l'ai trouvée très remarquable. Charmante, frappante, marquante, me disais-je à moi-même. Elle ne ressemble ni à sa sœur ni à sa mère. C'est donc de son père qu'elle tient. » Une fois encore, Miss Garth essaya d'opposer une digue à cette loquacité débordante. Il était clair que cet homme ne connaissait pas Mr. Vanstone, même de vue. Sans cela eût-il commis cette erreur grave de supposer que Magdalen ressemblait à son père. Connaissait-il mieux Mrs. Vanstone ? La question que Miss Garth lui avait adressée à ce sujet était restée sans réponse. Qui pouvait être cet impudent personnage et que diable voulait-il ? Il se peut que vous soyez un ami de la famille, bien que je n'ai pas la moindre souvenance de vous avoir jamais vu, dit Miss Garth. Qu'y a-t-il donc pour votre service ? Seriez-vous venu rendre visite à Mrs. Vanstone ? J'avais en effet l'espérance d'entrer en communication avec cette dame, répondit cet homme, aussi obstiné dans ses formes évasives que dans sa politesse cérémonieuse. Comment se porte-t-elle ? Comme à l'ordinaire, répondit Miss Garth, qui sentait ses ressources de patience diminuer à vue d'œil. Est-elle chez elle ? Non. Absente pour longtemps ? Partie pour Londres avec Mr. Vanstone. La longue figure de l'homme trouva moyen de s'allonger encore. Son œil brun exprima le désappointement, et son œil vert suivit l'exemple que l'œil brun lui donnait. Toute son attitude exprima une anxiété sincère, et plus que jamais il choisit scrupuleusement ses expressions. « Est-il probable que l'absence de Mrs. Vanstone doive se prolonger ?»« Elle pourra se prolonger 3 semaines, » répondit Miss Garth. « Et maintenant il me semble que vous m'avez assez questionné, » continua-t-elle avec une impatience qu'elle ne pouvait contenir plus longtemps. « Soyez assez bon, je vous prie, pour me dire votre nom, et quelle affaire vous amène. Si vous avez quelques messages pour Mrs. Vanstone, je dois lui écrire par le courrier de ce soir et me chargerai de le lui transmettre. »« 1000 remerciements. C'est une fort bonne suggestion. Permettez-moi d'en profiter sur le champ. » Il n'était nullement affecté par la physionomie sévère et le langage acéré de Miss Garth. La proposition qu'elle lui adressait le soulageait, tout simplement. Il le laissait voir avec la plus engageante franchise. Cette fois, l'œil vert prit l'initiative et incita l'œil brun à exprimer, lui aussi, un retour de sérénité. Le coin des lèvres se retroussa de plus belle. Par un mouvement rapide, l'homme glissa son parapluie sous son bras et tira de son habit un gros portefeuille noir démodé. Il en sortit un crayon et une carte de visite, hésita, réfléchit un instant, puis traça rapidement quelques mots sur la carte qu'il remit aussitôt à Miss Garth avec l'empressement le plus civil. « Je vous serai personnellement obligé, lui dit-il, si vous voulez bien me faire l'honneur de joindre cette carte à votre lettre. Je ne me vois pas forcé de vous donner par-dessus le marché l'ennui d'un message. Mon nom suffira parfaitement pour rappeler à Mrs. Vanstone une petite affaire de famille, restée sans nul doute en son souvenir. Acceptez mes meilleurs remerciements. Cette journée m'a valu les plus agréables surprises. J'ai trouvé fort à mon gré les environs de cette résidence. Il m'a été donné d'admirer les 2 charmantes filles de Mrs. Vanstone. J'ai fait connaissance avec l'honorable gouvernante employée chez Mr. Vanstone. Je n'ai donc qu'à me féliciter, en m'excusant du temps que je vous ai fait perdre, et en vous renouvelant mes remerciements bien sincères. Je vous souhaite le bonjour. » Il souleva son grand chapeau, son œil brun pétilla, son œil vert ne tarda pas à pétiller aussi. Ses lèvres arquées sourirent de plus belle. Le moment d'après, il tournait les talons. Son dos apparut dans toute sa jeunesse et avec tous ses avantages. Ses lestes petites jambes l'emportèrent d'une verte allure dans la direction du village. 1, 2, 3, il était arrivé au premier tournant de la route. 4, 5, 6, il avait disparu. Miss Garth jeta un regard sur la carte qu'il avait déposée en ses mains et ensuite leva les yeux dans un étonnement absolu. Le nom et l'adresse de cet étranger à qui elle avait trouvé une mine de clergyman étaient écrits au crayon. Capitaine Raig, bureau de la poste, Bristol.